إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى dans un verset nous dit: ô vous les croyants, traduction approchée du sens, nous dit: ô vous les croyants, كتب عليكم الصيام, il vous a été prescrit le jeûne, كما كتب على الذين من قبلكم, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, لعلكم تتقون, peut-être ferez-vous preuve de taqwa, de piété, de crainte. Et avant de commencer dans notre thème, Inch'Allah, sur l'étude de notre thème, les histoires tirées du Coran, on fait un bref rappel sur les bienfaits du jeûne. Et méditer dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle en disant: ô vous qui avez cru, ô vous les croyants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en arabe un nida, un appel. Et un célèbre compagnon, Abdallah ibn Mas'ud, nous exhortait ses compagnons en disant que lorsqu'Allah Jalla wa Ala appelle les croyants dans le Coran, alors là, cela attire l'attention des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous appeler à un bien ou bien nous interdire quelque chose de mal. Et donc le croyant, lorsqu'il lit dans le Coran, il entend ces versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants, ce qu'on appelle Nida, alors cela est une portée d'attention. Et là, le croyant doit être attentif, doit prendre toute l'attention et être attentif à ce qui va suivre, à ce qu'Allah jalla wa ta'ala va lui ordonner ou bien lui interdire ou lui recommander. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle: ô vous les croyants. Donc c'est un honneur pour le croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à lui et l'appelle. Donc toute notre préoccupation est d'écouter ensuite ce qui suit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il appelle les croyants, dans ce verset, il leur dit: ô vous les croyants, ceux qui ont cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Donc on voit que ce jeûne nous a été prescrit de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un ordre qu'il faut accomplir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne aussi que le jeûne a été prescrit aux nations et aux communautés précédentes. Aux communautés précédentes. Donc même les communautés, les nations précédentes, pratiquaient le jeûne. Comme Allah jalla wa'ala l'a prescrit pour la communauté musulmane, pour notre communauté, Allah l'a prescrit aussi aux nations précédentes, aux nations précédentes. Et de ce fait, c'est une prescription divine, le fait de jeûner. Ensuite, à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: la'allakum taqoun. Peut-être ferez-vous preuve de piété, de crainte, c'est-à-dire de taqwa. C'est pour ça que beaucoup de savants nous disent que parmi les bienfaits du jeûne, c'est que ce jeûne nous mène à réaliser at-taqwa, la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des sagesses de la prescription du jeûne. C'est pour ça qu'il est bon pour les musulmans, lorsqu'ils jeûnent, de savoir, de connaître les grâces, les faveurs, les mérites du jeûne. Et ça va inciter le croyant à la ferveur dans son jeûne. Et de ce fait, parmi les sagesses, les savants nous disent que ce jeûne mène le croyant à at-taqwa, à la piété, à la réalisation, à ce qu'on appelle tahqiq at-taqwa, à la réalisation de at-taqwa. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala envoyait des prophètes et des messagers pour nous inciter à la taqwa et pour nous appeler à la taqwa. à ce qu'on appelle, mais c'est une traduction qui est toujours relative, à ce qu'on appelle la piété, la crainte d'Allah, ce qu'on nomme en arabe « al-taqwa ». « An yattaqi Allah al-insan ». »« An yattaqi Allah al-insan ». Et que l'individu craigne Allah subhanahu wa ta'ala et fasse preuve de piété. Ce jeûne-là nous mène vers la piété. À savoir que la piété, c'est la plus grande recommandation. Et comme on l'a dit précédemment, c'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala a envoyé aux hommes des prophètes et des messagers pour nous appeler à la piété, pour nous appeler à le craindre. Et si vous revenez à de nombreux versets lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous parle des prophètes et des messagers, alors qu'on voit, alors on constatera que ces prophètes et ces messagers appelaient les croyants à la taqwa. Observez, à titre d'exemple, l'appel de Nuh, alayhi salam, le prophète connu sous le nom de Noé, Nuh, en arabe, que la paix soit sur lui, lorsqu'il dit « Qala ya qawmi, inni lakum nadhirun mubin, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. » Regardez, lorsque Nuh dit à son peuple, « Ô mon peuple, inni lakum nadhirun mubin, je suis certes pour vous un avertisseur clair. » Et les appeler à l'adoration d'Allah. Adorez donc Allah. Et faites preuve de taqwa, de piété. Craignez-le. Et obéissez-lui. Donc regardez, Nuh, alayhi salam, lorsqu'il appelait son peuple, il leur disait, ô mon peuple, je suis certes pour vous un avertisseur. Adorez-le donc, c'est-à-dire Allah, et faites preuve de taqwa. Donc vous avez vu, ça fait partie de l'appel de la da'wah des prophètes et des messagers, de les appeler à la taqwa. C'est pour ça que dans le Coran, dans maintes versets, Allah Jalla wa Ala nous appelle à la taqwa, à la piété, à la crainte révérentielle, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la plus grande des recommandations. C'est la recommandation ici qui est la plus grande. Et c'est pour ça que dans nombreux versets, Allah Jalla wa Ala nous appelle en disant « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, ya ayyuhannasu, ittaqu rabbakum, ô vous les croyants, craignez Allah. » Et dans d'autres versets, « Ô vous la gente, ô vous les gens, craignez votre Seigneur. » Donc vous avez vu dans maintes versets. Et le prophète, en somme aussi, dans différents récits prophétiques, le prophète, en somme, exhortait, incitait à la taqwa. « Usikum bi taqwa Allah » comme disait le prophète, « Je vous recommande la piété, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Et dans un autre hadith, le prophète, en somme, disait « Ittaqullaha haythuma kuntum. » Craignez Allah où que vous soyez. Donc ça, la crainte d'Allah, la piété, cet ordre-là, c'est le plus grand des impératifs. C'est le plus grand ordre. C'est la plus grande recommandation. Et bien regardez ce jeûne. Le jeûne nous mène à réaliser at-taqwa, la plus grande des recommandations. Regardez à la fin, Allah Jalla wa Ala dit, alors qu'il nous dit subhanahu wa ta'ala, oh vous les croyants, vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit aux communautés, aux nations avant vous, la'allakum, peut-être ferez-vous preuve de crainte, de piété, de taqwa. C'est pour ça que les savants nous disent que parmi les grands bienfaits, les énormes bienfaits, immenses bienfaits du jeûne, c'est qu'il nous mène vers at-taqwa, vers la piété. Et ça, c'est quelque chose de grandiose et d'énorme. Ensuite, à savoir que ce jeûne aussi, parmi les bienfaits, c'est que c'est un bouclier, une protection. C'est pour cela qu'il est dit dans un récit, le prophète nous dit, « As-siyam ujunna », c'est une protection contre les péchés. C'est-à-dire que lorsque la personne jeûne, ça le préserve, ça le protège d'accomplir des péchés, de sombrer dans des péchés et des fautes, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le jeûne est une protection. Et le jeûne, c'est une sorte d'école. Le jeûne, ici, habitue le jeûneur. Lorsque le jeûneur s'habitue à jeûner, eh bien, il s'habitue à faire preuve de piété, de crainte d'Allah et de s'abstenir des fautes et des péchés. Donc c'est pour cela que ce jeûne, c'est une sorte d'école et le jeûneur va ici s'habituer, le jeûneur va s'éduquer à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à éviter les désobéissances de son Seigneur. Regardez par exemple, certains savants nous donnent l'exemple. Alors que le jeûneur se retrouve seul, il peut être à un endroit précis, chez lui ou à un autre endroit, Et il est en compagnie de gens. Et à un moment donné, ces gens se dispersent et se retrouvent seuls. Donc là, lorsqu'il est seul, dans une journée de jeûne, par exemple en mois du Ramadan, dans une journée où la chaleur, par exemple, est intense, il pourrait boire, il pourrait manger, alors qu'il a faim, alors qu'il est touché par la soif, il pourrait boire. Mais là, il y a quelque chose qui l'empêche. Le fait qu'il soit sincère et le fait qu'il y a muraqabatullah, le fait qu'il sait qu'Allah, Jalla wa ala, rien ne lui échappe. Allah cerne tout de son savoir, de sa science, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah sait tout. Tous nos faits, tous nos gestes, toutes nos paroles, toutes nos intentions, tout ce qui se trouve en nous-mêmes, Allah en a la connaissance. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, de ce fait, le serviteur, le jeûneur, sait cela. Alors qu'il a conscience de cela et que Allah Jalla wa ala l'observe, subhanahu wa ta'ala, il ressent cela en lui, alors il s'abstient. Et donc là, il prouve sa sincérité envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et donc il est élevé en degré avec sa sincérité auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, regardez, donc ça fait partie des bienfaits du jeûne, mais aussi, regardez, certains savants nous enseignent un enseignement très important et ils nous disent que lorsque le jeûneur s'est abstenu à ce moment-là, alors qu'il était seul, il s'est abstenu de toute boisson, de toute nourriture et autre chose, par crainte de son Seigneur, par piété, alors de ce fait, il va s'habituer, le serviteur. Il va s'habituer à ne pas désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il va s'habituer, il va habituer son être à obéir à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et à éviter les différents actes de désobéissance. Et de ce fait, les savants nous disent, comme cela doit être la personne en dehors du jeûne, alors qu'il ne jeûne pas, par exemple, s'il est face à un acte, à une désobéissance, à un péché, eh ben, il doit s'abstenir, comme il s'est abstenu lorsqu'il était en état de jeûne, de boire, de manger ou autre chose qui fait partie des annulatifs du jeûne. De la même manière, eh ben, le jeûneur s'habitue à rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'habitue à toujours à ce qu'on appelle muraqabatullah, le fait de savoir qu'Allah rien ne lui échappe et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, cerne tout de son savoir et de sa science éternelle et infinie. Et donc, on ne saurait lui désobéir sans qu'il le sache. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, vous avez vu, parmi les bienfaits du jeûne, et bien ça aide le jeûneur à atteindre et réaliser ce qu'on appelle at-taqwa. Et de ce fait, à n'importe quel endroit où se trouvera, à n'importe quel lieu se trouvera le serviteur, il fera preuve de piété et réalisera la recommandation de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ittaqullah haythuma kuntum. Craignez Allah, faites preuve de piété où que vous soyez. Et dans n'importe quelle situation, où on se trouve, dans n'importe quel lieu, à n'importe quel endroit, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région du monde, quelle que soit la position géographique du monde, la personne fait preuve de piété, fait preuve de crainte d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie de quelques bienfaits. De temps en temps, on énumérera, inshallah, certains bienfaits du jeûne pour que cela soit une incitation, une exhortation aux frères et aux sœurs d'être fervents dans leur jeûne. Et donc, après ce bref rappel, inshallah, on va commencer, inshallah, sur le thème de l'assise, de cette assise, sur l'histoire tirée certaines histoires tirées du Coran. Donc on va commencer, Inch'Allah, avec une histoire célèbre dans le Coran, une histoire vraiment à méditer. Et vous allez voir après la méditation de cette histoire et après la lecture de certains faits de cette histoire, on tirera, Inch'Allah, certaines leçons importantes. Vous allez voir certains enseignements bénéfiques qui sont très importants pour la vie de tous, pour la vie du croyant. Vous allez voir, ça va nous aider sur notre cheminement, à continuer notre chemin vers Allah, subhanahu wa ta'ala, sur la piété et la crainte de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc cette première histoire que j'ai choisie, c'est l'histoire d'un messager, d'un prophète messager, le premier messager qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé sur terre aux hommes pour les avertir, pour leur annoncer la bonne nouvelle, c'est le messager, le prophète Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, qui est connu par le nom de Noé. Noé, mais en arabe, dans le Coran, le prophète est nommé Nuh alayhi salam. Donc le prophète Nuh alayhi salam, beaucoup de savants considèrent, nous enseignent que c'est le premier messager qui a été envoyé aux hommes. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on commence par l'évocation de l'histoire de ce prophète, Nuh alayhi salam, le fait qu'il soit le premier messager à avoir été envoyé pour les hommes. Et Nuh est venu à peu près comme il nous est rapporté dans certains rapports, 10 siècles. 10 siècles après Adam. Après Adam. Donc c'est pour cela que après Adam, donc le premier messager qui était envoyé, c'est Nuh alayhi salam. Donc c'est pour ça qu'il était pertinent de commencer par l'histoire de Nuh alayhi salam. Ce messager qui fait partie des Rasul, Ulul Azm, doués de résolution. Parmi les 5 messagers doués de résolution, dans une traduction relative, c'est ce qu'on appelle Ulul Azm. Min al-Rusul. Et Nuh, comme on l'a dit précédemment, donc il est envoyé, il vint à peu près 10 siècles après Adam. Donc vous connaissez l'histoire de Adam, alayhi salam, le père de l'humanité, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé d'argile. Ensuite, après l'avoir créé, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam, alayhi as-salam. Et donc, les anges, par obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, se sont prosternés devant Adam. Car les anges ont été créés de lumière et ils ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et seul celui qui s'est enorgueilli et s'est enflé d'orgueil et n'a pas voulu se prosterner devant Adam, c'était Iblis. Iblis, al-Shaytan, donc le diable, le Satan, Iblis, lui s'est enflé d'orgueil, a été pris d'orgueil et donc il a refusé de se prosterner devant Adam. Et il rétorqua en disant qu'il était mieux que Adam du fait que Adam est créé d'argile et lui a été créé de feu. Ensuite, donc on le fait en résumé, très bref, Adam, alayhi salam, que la paix soit sur lui, le père de l'humanité. Ensuite, Allah, Jalla wa Ala, l'a mis au paradis avec son épouse. Donc, il était au paradis avec son épouse. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui avait interdit de manger de l'arbre. Et de là, Iblis, Shaytan, le démon, le Satan, le diable, vint à Adam et insuffla à Adam de manger de cet arbre. Donc il a voulu pousser Adam à la désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa waswasa lahum ash-shaytan. Donc ash-shaytan a commencé à essayer de les tenter. Et cela afin de découvrir à leurs yeux les parties de leur corps tenues jusqu'alors cachées. Les parties de leur corps, elles étaient couvertes à Adam et son épouse et sa femme. Elles étaient couvertes. Et Shaitan leur disait, pour leur insuffler de manger de l'arbre, il leur disait, « وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ » Et Shaitan leur disait, « Allah, votre Seigneur, vous interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou bien des immortels. » Donc il leur a insufflé cela, que Allah, Jalla wa Ala, leur aurait interdit de manger de l'arbre pour les empêcher de devenir des anges ou bien de devenir des immortels, comme il est mentionné dans un verset dans Sourate Al-A'raf. Et donc, regardez, c'est pour ça qu'il leur dit وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Et ensuite, Shaitan, il leur a fait même le serment. Il leur jura, je suis pour vous, leur jura-t-il, un conseiller sincère. Donc, en leur insufflant le mal, en leur mentant, il leur a fait le serment qu'il était pour eux véritablement un conseiller sincère. Alors ensuite, dans le verset, il nous est dit, il a réussi donc à les séduire par ces sortes de supercheries, mais lorsqu'ils eurent goûté à l'arbre, ils virent apparaître leur nudité, une traduction approchée des sens du verset, ils virent apparaître leur nudité qu'ils s'empressèrent de couvrir avec des feuilles du paradis. Et de ce fait, ensuite, il nous est mentionné dans le verset, Allah, subhanahu wa ta'ala, les appela, les interpella. Donc leur Seigneur les interpella. Alors, en leur disant, ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Ne vous ai-je pas dit que Shaitan était votre ennemi déclaré? Et donc, de ce fait, ensuite, Adam et son épouse dirent à Allah, subhanahu wa ta'ala, قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et donc, ensuite, Adam et son épouse dirent à Allah, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. Ô Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. Et si tu ne nous accordes pas le pardon, si tu ne nous pardonnes pas, وَتَرْحَمْنَا. Et si tu ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serons à jamais perdus. Nous serons parmi les perdants. Alors ensuite, il nous est dit dans le verset, qu'Allah Jalla wa Ala leur dit, descendez, descendez. Donc ensuite, ils ont été descendus sur terre. Ils ont été descendus sur terre. Et Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il dit, vous serez ennemis les uns des autres sur terre et vous trouverez un séjour et une jouissance temporaire, une traduction relative des sens des versets. Et Allah Jalla wa Ala dit aussi, ajouta, c'est là où vous vivrez, c'est là où vous mourrez, et c'est de là qu'on vous fera sortir un jour. Ô fils d'Adam, nous vous avons doté de vêtements pour couvrir votre nudité, ainsi que de parures. Mais le meilleur vêtement est la crainte révérentielle du Seigneur. Regardez, on revient au terme de taqwa. En arabe, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le meilleur des vêtements, c'est le vêtement de la taqwa, de la piété. Regardez ce qu'on disait il y a quelques instants lorsqu'on faisait cette exhortation concernant la piété, la crainte, et taqwa. Regardez, dans ce verset aussi, il y a ici la mention et l'évocation de la taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit que nous vous avons doté de vêtements pour couvrir votre nudité ainsi que de parures, mais le meilleur des vêtements est le vêtement de la taqwa, de la piété, de cette sorte de crainte révérentielle du Seigneur. Et Allah Jalla wa Ala nous dit dans le verset, c'est là un des signes d'Allah, peut-être s'en souviendront-ils. Ô fils d'Adam, ne vous laissez pas tenter par Shaitan, comme vos parents qu'il a fait sortir du paradis, en les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur nudité. Car lui et sa cohorte ne cessent de vous observer, alors que vous, vous ne les voyez pas. Nous avons fait des démons les alliés des négateurs. Et donc, c'était la traduction rapprochée d'un passage dans le Coran qui nous relate ce fait et cet événement. Ensuite, lorsque Adam, donc, fut mis sur terre, Donc, parmi les enseignements qu'on peut tirer, c'est que Adam, à la base, le père de l'humanité, de tous les hommes, à la base, sa demeure, c'était le paradis. Ensuite, Adam fut sorti du paradis et mis sur terre. Mais comme il est mentionné dans le verset, cette demeure est temporaire. Donc Adam a été mis sur terre avec son épouse d'une manière temporaire. Ensuite, Adam retournera au paradis. Et donc, ce fait des savants, c'est pour ça qu'ils nous disent que cette demeure, en réalité, n'est qu'une demeure éphémère et temporaire. La demeure de l'être, du croyant, ce n'est pas ici-bas, mais c'est l'au-delà, c'est le paradis. C'est pour ça qu'en réalité, la véritable et réelle demeure pour le croyant, c'est le paradis. Mais ce n'est pas cette vie d'ici-bas. Ce n'est pas la véritable demeure pour le croyant. C'est pour cela qu'il est dit que cette vie d'ici-bas, c'est la prison pour le croyant et le paradis pour le non-croyant, pour le mécréant. Et de ce fait, lui, le croyant, il attend. Il attend avec impatience le fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'aller vers sa vraie demeure. Mais cela, ça demande de faire preuve de taqwa. Il faut réaliser être taqwa. C'est ça le but de l'être humain dans cette vie d'ici-bas. Réaliser être taqwa. C'était l'appel de tous les prophètes et les messagers. Et regardez, le jeûne nous appelle à réaliser être taqwa. La'allakum tattaqoun. La'allakum tattaqoun. Et de ce fait, ensuite, Adam, alors qu'il était sur terre avec son épouse, donc Adam, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est considéré comme prophète aussi. Donc, il nous est enseigné dans un hadith que Adam est considéré comme prophète. Et ensuite, les savants nous enseignent que, dans l'histoire, que les êtres humains vivaient tous sur une même religion, étaient sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Adam appelait ses descendants au bien, et appeler les gens au bien et à l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on a évoqué ce fait, puisqu'il est important pour comprendre ensuite l'arrivée ici de Nuh alayhi as-salam. Donc il nous est relaté pendant 10 qurun, ce qu'on appelle en arabe qarn. Un qarn en arabe, on peut le traduire par un siècle, sauf que chez les savants de l'islam, ils nous enseignent qu'un qarn en arabe, ça peut être un siècle, c'est-à-dire composé de 100 années, comme aussi, ça peut être dans le sens d'une génération. Ça peut être dans le sens d'une génération. Et souvent, c'est pour ça que vous allez voir que le qarn, qurun, c'est traduit par génération. Donc souvent, il a le sens, hein, chez beaucoup de savants, ils considèrent que le sens de qurun, c'est le sens de génération. Donc c'est deux sens concernant le qarn, le siècle en arabe. Et donc ensuite, les gens vivaient sur une même religion. Ils composaient une seule et même communauté, comme on le verra, comme c'est cité dans les versets. Kanu ummatan wahidatan, comme on le verra ensuite. Donc ils étaient une seule communauté. Kanat ummatan wahida, une même et une seule communauté, ces gens formés. Et donc ils étaient sur l'obéissance d'Allah, sur la crainte d'Allah et sur un monothéisme pur. Sauf que, avec le temps, après l'écoulement de ce temps, ensuite les gens sont tombés, ils ont commencé à sombrer dans le polythéisme. Et lorsque les gens ont sombré dans le polythéisme, et ça on l'expliquera plus en détail dans l'assise de demain, et inshallah, ensuite Allah Jalla wa Ala envoya Nuh alayhi salam aux hommes, et ça on l'expliquera plus en détail. Donc ce peuple, c'est pour ça ces gens qui ont sombré et sont tombés dans des formes de polythéisme, à savoir que Shaitan a œuvré, a persévéré pour faire tomber les hommes, alors qu'ils étaient pendant, comme il nous est relaté, pendant 10 siècles, 10 qurun, 10 générations, ils étaient sur un monothéisme, ils formaient une seule et même communauté, et ils étaient sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Shaitan les a fait sombrer dans l'adoration d'idoles et dans l'adoration de fausses divinités. Donc, pour répondre à une question, beaucoup d'entre nous peuvent se poser cette question qui est pertinente et légitime, de se poser, mais quel est le premier polythéisme qui est apparu sur Terre? Eh bien, le premier polythéisme qui est apparu sur Terre, c'est le polythéisme de ce qu'on nomme le peuple de Nuh, puisque Nuh a été envoyé un peuple qui s'adonnaient à la pratique, au culte des fausses divinités et des idoles. C'est pour cela qu'ensuite ils ont été nommés le peuple de Nuh, Qaumu Nuh. Et donc Nuh, lui, s'efforcera de les appeler à les faire revenir à l'adoration de leur créateur, de leur seigneur unique. Et donc, de ce fait, vous allez voir à travers la mention de cette histoire, vous allez voir les nombreux enseignements qu'il faut tirer. En bref, donc on a répondu à cette première question. La première question, quel est le premier polythéisme, la première forme d'associationnisme qui est apparue et qui a émergé sur Terre? C'est le shirk, le polythéisme et l'associationnisme du peuple de Nuh alayhi as-salam, que la paix soit sur lui. Ensuite, dans la prochaine assise, Inch'Allah, on verra d'une manière plus détaillée quel était ce polythéisme et quelles étaient les particularités aussi de cet associationnisme et de cette adoration de fausses divinités. Ça, on le verra, Inch'Allah, dans la prochaine assise. El-Muhim, alors lorsque Nuh fut envoyé, comme on l'a dit précédemment, Nuh est considéré comme le premier messager. Et Inch'Allah, on verra les preuves qui prouvent cela. Parmi les preuves, les savants nous citent un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, alors que les gens, le jour de la résurrection, on appelle ça le jour de la résurrection, car c'est le jour où les gens seront ressuscités, sortis de leur tombe. Donc, ressuscités. C'est Yom al-Ba'th, lorsque les gens seront sortis de leur tombe. Donc, sachez que toutes les générations qui nous ont précédés, tous ces hommes faisant partie de l'humanité qui sont mortes. Regardez, vous avez vu, les cimetières sont pleins. Et donc, depuis toutes ces générations, depuis Adam, ensuite Nuh, alayhi salam, toutes ces générations qui sont mortes et qui sont enterrées, qui sont dans leur tombe, tous ces hommes attendent tous leur résurrection, qu'ils soient ressuscités et sortis de leur tombe. Donc, à chaque fois qu'une personne décède et meurt, alors ensuite, il sera enfui dans sa tombe et enterré, et il attendra l'heure. Car Allah, Jalla wa'ala, a fixé pour la résurrection, lorsque les hommes seront ressuscités. Ensuite, donc, les hommes seront ressuscités. Et il y aura ce qu'on appelle lorsque ce rassemblement. Tous les hommes seront rassemblés. Et ça va durer un long moment. Et ça sera tellement terrible que les gens demanderont intercession au prophète. Donc, ils s'en iront vers les prophètes et les messagers pour leur demander intercession. Et de là, lorsqu'ils arriveront à Nuh, alayhi salam, comme il est rapporté, ils demanderont à Nuh d'intercéder en faveur des hommes, en faveur de l'humanité, pour qu'ils puissent être jugés. Car ce moment et cet instant sera terrible. Et ça durera tellement longtemps. Et ça, c'est un rappel pour nous. Ça rappelle pour nous pour se préparer à ce jour. C'est pour ça qu'un jour, alors qu'un homme a demandé au prophète, au messager d'Allah, à quand est-ce que l'heure? Et le prophète lui a dit, mais qu'est-ce qu'as-tu préparé pour l'heure? L'important, c'est pas de savoir quand est-ce que viendra l'heure, mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a préparé. Comment est-ce qu'on s'est préparé? L'important, c'est cette préparation pour l'heure. Alors les gens viendront à Nuh, alayhi salam, et lui vanteront ses vertus. Et parmi les vertus, comme on verra dans la prochaine assise, c'est que Allah Jalla wa'ala a décrit Nuh comme étant un serviteur reconnaissant. Et ça, c'est une éloge de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant Nuh. Kana abdan shakura. Kana abdan shakura. Et Allah fait l'éloge de Nuh. Et c'est pour ça que même certains savants, ils ont dit que son peuple peut-être a été sauvé. Son peuple et ses partisans ont été sauvés, ceux qui étaient partisans de Nuh et qui ont cru en Nuh, ils étaient peu, ont été sauvés, peut-être par rapport ici à la baraka de Nuh, alayhi salam, du fait qu'il était un serviteur reconnaissant et qui remerciait constamment Allah, subhanahu wa ta'ala. En tout cas, ça faisait partie des vertus de Nuh, et Allah l'a décrit de cette manière et a fait l'éloge dans le Coran en disant que c'était un serviteur reconnaissant, Nuh. Vous allez voir, lorsqu'on va parler de lui, c'était vraiment et véritablement un serviteur reconnaissant. Et alors, Nuh, alayhi salam, les gens viendront à lui, vanteront cela, diront, toi, tu es le serviteur reconnaissant, qui remercie Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, intercède en notre faveur et tu es le premier messager. Et ils vont mentionner qu'il était le premier messager. Les savants se basent justement sur ce récit pour dire que Nuh, alayhi salam, était le premier messager qu'Allah, jalla wa ala, a envoyé aux hommes. Et vous verrez dans cette histoire qui est magnifique, cette histoire de Nuh, alayhi salam. Alors lorsqu'il va commencer à appeler à son peuple à revenir à l'adoration d'Allah, vous allez voir la réaction de ce peuple. Et dans la prochaine assise, Inch'Allah, on étudiera quelle était la réaction du peuple de Nuh et quelle était la manière dont Nuh les a appelés à l'adoration d'Allah, cette manière, comment est-ce qu'il les a appelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur prêchait la bonne parole, il les appelait nuit et jour, d'une manière publique et d'une manière non publique, c'est-à-dire il prenait les gens même à part. Et il les appelait au bien. Il leur dit, revenez à l'adoration de votre Seigneur, de votre Créateur. Revenez à son obéissance. Revenez au bien, vous serez sauvés. Et il les appelait au bien. Il voulait le bien pour eux. Et nuit et jour, il ne cessait d'appeler son peuple au bien, mais eux ne cessaient de rejeter l'appel de Nuh, alayhi salam. Et ils se bouchaient les oreilles. Et Nuh est resté comme ça pendant un long moment. Il nous est rapporté qu'il est resté comme ça 1000 ans, moins 50 ans, 950 ans à prêcher son peuple au bien. Et vous allez voir la réaction de ce peuple et on fera les similitudes et le parallèle avec la réaction de nombreux peuples aujourd'hui. Et vous verrez les similitudes et vous verrez ces similitudes aussi bien qu'il y a à travers les peuples qui refusent le prêche des prophètes et des messagers et les similitudes qu'il y a à travers la patience qu'ont eu les prophètes et les messagers et leurs partisans. On va se quitter sur cela, Inch'Allah, et on continuera dans l'une prochaine assise. Bi'idhnillah, wallahu tabaraka wa ta'ala, wal a'lam wa billahi at-tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in.